Partition spectrale par Éric Arasim. Sous ce jour faisant encyclopédique, le manque porte le monde, hétérogène, incomplétude des profondeurs dans la perspective des sources. Autant de variables leur donnent encore. Ces acteurs potentiels, coupés de leur contexte, de leur plateau de tournage, caméra au point, filme la réalité travestie par une trompeuse séduction. Pop théologie, innovation insignifiante, origine de la mesure, mesure de l'idole apte à nous sauver. Détresse terrible devant l'inertie, salut d'un Dieu sans nom. Cet au-delà existe, messianisme symétrique, affirmé crânement. Structure d'anticipation en ce sens plus profond. Le Dieu informatique nous donnera un jour le résultat de ses calculs, rien que pour notre salut. Bruxelles s'impose comme un rendez-vous inutile, on peut le constater. Tendance accélérée, pratique spectrale. Copieuse saison, ville en dissolution, modèle européen grippé. Informatique céleste des beaux jours, formule d'apparence, cercle des cercles, partition des systèmes imprévisibles, Europe plus riche que les événements qu'elle annonce, métaphysique du vide, qui peut échapper à ce moment devenu fou? J'essuie cette tristesse au deuil de mes larmes qui prennent le large sur le mouchoir qui s'égare à la surface des mers agitées, polluées, tempétueuses au possible. Au pays des morts, l'éclat des cendres, d'un visage l'autre intégralement scarifié, forum des chamans, protocole des félins, emplissent les vases de symboles et de riz. Offrande mortifère comparable aux vestiges de la côte déchirée, englouti par la lente érosion du réel décharné. Point de fuite que le temps approuve, structure l'espace qui romantique, frénésie des signes, disjonction des lignes dans l'entrelac de ta main, des raisons ornementales, présage des textures, sublimation des sens jusqu'à l'interprétation, augure des destins brisés. Par l'espace, territoire, à l'échelle des motifs, centré sur l'univers de manière insistante, récurrente, le tsunami des formes dévaste les archipels hétéronomes, cloisonne au bon endroit comme des rappels. L'art y devient utile, servant une fin autre que la sienne. L'intersection des objets économiques, phénomène de cynique récurrence, nous font prendre conscience du monde perdu. Augmentation exponentielle de broutilles, de tristes verroteries, visite sans fin des greniers du désir, désaffectés, nourris par les images confuses, carte du désœuvrement des pensées, occidentalisation à tout va, festival de la bêtise urbaine, dégustation de la vie aliénante incarnée, asynchrone dépendance aux concepts formatés, prêts à consommer sans modulation. Ici se termine Partition spectrale par Éric Arasim, enregistré par Christiane Johan sous licence CC BY NC ND.